partir de la page Facebook Dr Chadha et son officiel, en direct également sur, bien sûr, Facebook ainsi que l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous sommes partis pour une édition, je l'annonce, tout à fait particulière, qui va en guerre contre le coronavirus. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Cette célèbre prédiction prononcée, dit-on, par Napoléon en 1816, redevient d'actualité à la faveur de la pandémie de la maladie à coronavirus appelée Covid-19, qui a débuté en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, avant la célébration du Nouvel An chinois. 4 mois plus tard, ce qui était encore une épidémie est devenu, selon l'Organisation mondiale de la santé, une pandémie ébranlant le monde entier. À ce jour, plus de 183 000 cas cumulés sont confirmés dans le monde et près de 7 100 personnes décédées. Plus de 140 pays et territoires sont touchés avec des foyers majeurs en Chine, en Italie, en Corée du Sud, en Iran, en Espagne, en France. Les effets de cette pandémie sont sans commune mesure. De nombreux rapports font état des pénuries d'approvisionnement en produits pharmaceutiques et en produits manufacturés en raison de la perturbation des usines en Chine. L'industrie technologique en particulier a mis en garde contre les retards dans les expéditions des produits électriques. Certains analystes, à l'exemple du Dr Kourvelis, directeur de Boeing Center de l'Université de Washington à Saint-Louis, estime un impact de 300 milliards de dollars sur l'économie mondiale et dont les effets pourraient se faire sentir jusqu'à 2 ans après le début de la pandémie. Les marchés boursiers mondiaux ont chuté, connaissant la plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise de 2008. Alors que la pandémie se propage, conférences et événements mondiaux sont annulés. Les nations, les unes après les autres, ferment leurs frontières, États-Unis, Allemagne, Suisse, France, Espagne, pour ne citer que cela, des mesures de confinement à l'intérieur de ces pays sont posées, écoles, administrations, lieux de culte, commerces, centres commerciaux, tous sont fermés. Certaines villes sont désormais vidées de toute activité. La Chine s'est véritablement éveillée et le monde tremble. L'Afrique et le Cameroun en particulier ne manquent pas à l'appel. Déjà 5 cas confirmés au niveau du Cameroun, même si les autorités annoncent les guérisons de 2 cas parmi les 5. Pour autant, la menace est certaine et des mesures de quarantaine ont été prises. Dans certaines administrations, comme par exemple à l'université de Yaoundé 1, les cours sont suspendus jusqu'au 13 avril 2020. Mais loin de ces considérations, alors que la confusion et la consternation gagnent le monde, allons chercher les origines de cette situation dans les profondeurs des révélations spirituelles et surtout fonder la lecture que l'humanité doit faire face à cette situation. Existe-t-il des voies de sortie afin de tordre définitivement le cou à cette pandémie? Que voudrait dire Dieu à toute la terre entière au travers de cette pandémie? Toutes ces interrogations au contexte spirituel vont meubler l'essentiel de ce programme spécial à suivre sur Radio Fréquence Vie, je l'ai dit, et sur la page Facebook de Dr Chadha Issoba, visionnaire du Temple des Nations du lycée vers la Conférence internationale, qui nous fait l'honneur d'être notre invité dans le cadre de cette émission spéciale. Dr Chadha Issoba, bonjour et bienvenue à Témoignage. Bonjour Salomon et bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent aussi sur les médias visuel. Vous l'avez dit, c'est une émission spéciale, la guerre contre le coronavirus. Mais lorsqu'on parle de guerre, il faut d'abord prendre en force les différents belligérants. Nous savons que c'est l'homme qui est attaqué, mais connaissons-nous véritablement qui est le véritable belligérant qu'on appelle coronavirus, Dr Jarisson? Il faut aller dans les profondeurs de la vie pour mieux comprendre la vie. Si on n'a pas les révélations touchant les profondeurs de la vie, l'origine de la vie et en même temps ce qui s'est passé pour que l'on puisse avoir tous ces problèmes aujourd'hui. On ne peut pas cerner, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde dont nous vivons aujourd'hui. La Bible qui est la parole de Dieu, moi je suis un homme de Dieu et je dois parler selon la parole de Dieu. Tout à fait. Alors, nous révèle que l'homme a eu des problèmes avec son créateur. D'un côté, l'homme rejette son créateur. Mais la Bible que nous lisons dit ceci: c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est le créateur. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant. Alors, j'ai dit à l'Éternel: mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est une personne qui envoûte. C'est une personne qui fait te détruire. L'oiseleur, c'est une marque de piège que les uns et les autres utilisaient auparavant pour attraper les oiseaux. Oui. Alors, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, ce que nous avons sous la main est plus que la peste. Il y a des ravages, vous venez de dire justement, il y a des ravages physiques, la santé qui est détruite, les gens perdent la vie. Il y a l'économie mondiale, le système social, donc les cellules familiales sont absolument détruites. Parce que si vous perdez votre père, si vous perdez votre mère, vous perdez les enfants, ça déstabilise également toute la famille. Il y a même, chaque pays doit connaître des problèmes. Vous parlez des frontières qui sont fermées, de la Chine aujourd'hui, qui était l'atelier du monde. C'est ce nom qu'on a donné à la Chine, qui était l'atelier du monde. Et on a dit quand la Chine va se réveiller, le monde va trembler. Oui. Bien sûr, économiquement, la Chine s'est réveillée et le monde a tremblé. Et c'est aussi par la Chine que le monde est en train de trembler, par la présence de ce que la Bible appelle le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. En un mot, c'est le diable. Donc le diable est en train de détruire le monde. Et ce monde que Dieu a créé. Et pourquoi le diable a réussi à détruire le monde? Justement, la Bible déclare, c'est lui qui demeure sous la vue du Très-Haut. Depuis le jardin d'Éden, le père, qui n'est pas le père fondateur, donc le premier couple de tout l'univers, appelé Adam et Ève, ce que la science rejette. Aujourd'hui, la science est désarmée, ne peut plus nous proposer des solutions face à cette pandémie, face à ce que toute l'humanité est en train de trembler. Alors, le créateur de l'humanité révèle ce qui s'est passé pour que l'humanité se retrouve dans tous ses problèmes. Le créateur de l'humanité précise que, après avoir créé l'homme, lui, il a béni l'homme. C'est clair et net. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde et le maudire s'il n'a rien fait. Tout à fait. Pas du tout. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé que, pour que, après la bénédiction, l'homme se retrouve dans tous ses problèmes avec son créateur, qui était en principe son père. Puisqu'il y avait une bénédiction, comme le dit déjà la parole de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il crée une femme. Pour Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour le diable, il est bon que l'homme soit seul. Donc le serpent, puisque nous animons des séminaires aujourd'hui, qu'on appelle le séminaire sur le serpent. Le serpent, c'est l'origine de tout ce qui est comme malheur que nous avons dans la société. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour avoir la solution à tous ces problèmes, il faut aller à la racine de la vie, à partir de l'existence d'Adam et Ève, là on trouvera la solution. Alors, la Bible déclare que pour Dieu, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, est-ce que tous les hommes sont mariés? Pas du tout. Est-ce que toutes les femmes sont mariées? Encore moins. Qui est à l'origine de ça? C'est toujours l'homme qui s'oppose depuis le ciel à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Il s'appelle qui? Le serpent, dont le diable. Il s'oppose, il fait tout et tout pour que l'homme puisse vivre seul, pour que la femme puisse vivre également seule, ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, lorsque Dieu finit par les créer, et la Bible dit ceci, l'homme et la femme étaient bénis. Bénis. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer. La Bible dit, et la sujétissez. Même les virus étaient assujettis à l'homme. Même les microbes étaient assujettis à l'homme. Vous pensez que Dieu a créé les microbes après? Non. Non, tout a été carré. Mais avant, mais ces choses n'étaient pas les adversaires de l'homme. N'étaient pas là pour détruire l'homme. C'est lorsque la désobéissance est entrée dans le jardin d'Éden que les problèmes ont commencé. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, la Bible précise dans le livre de Romains, à partir du chapitre 5, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 5, ce que nous allons effectivement lire, À partir du verset 12, il est dit, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Le péché est entré par un seul homme. C'est toi? Non. C'est moi? Non. C'est ton père? Pas du tout. C'est Adam et Ève. Les premiers qui ont été créés par Dieu. Mais le péché est donc entré comment? Qui a fait entrer le péché dans le couple pour que ce couple soit maudit par Dieu et que le serpent puisse prendre la domination? Le serpent soit aujourd'hui, il est aujourd'hui le père de l'univers et il détruit l'univers quand il veut, comme il veut, comme il entend, à tout moment il le fait. Pourquoi la Bible dit c'est lui qui demeure, qui va demeurer à l'abri du Très-Haut? C'est lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre. C'est cela que le serpent, coronavirus, fait la fête. Alors, il y a eu donc des problèmes dans le jardin d'Éden, l'homme fut rejeté par Dieu. Comme toi aussi, tu as un père, tu as une mère. Lorsque tu poses des actes négatifs en présence de ton père, en présence de ta mère, tu te rebelles contre ton père, qu'est-ce qui arrive? Tu es maudit. C'est ce qui s'est passé. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du premier verset, moi j'aime toujours lire la Bible parce qu'elle me dit la vérité. Il y a des gens qui disent que la Bible n'est pas. Je me demande où est-ce qu'ils vont puiser leur vérité. C'est encore le serpent, ça. C'est encore le serpent, bien sûr. Enfant, obéissez à vos parents. Est-ce que c'est faux? Pas du tout. Il n'y a aucun parent qui peut vouloir que son enfant s'oppose à lui. Et si la Bible dit, les gens disent, il y a trop de contradictions dans la Bible. Quel type de contradiction? C'est le serpent qui te fait croire qu'il y a trop de contradictions dans la Bible. Alors, enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Mais Adam, après avoir désobéi, il pouvait être heureux? Pas du tout. Son couple était déjà détruit, puisqu'ils ont. Donc, la Bible dit, ils étaient riches, ils étaient bénis. Mais après avoir désobéi, ils ont subi la malédiction de Dieu. Et la Bible déclare, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Adam ne pouvait plus vivre longtemps. Il était destiné, monsieur Adam était destiné à vivre longtemps sur la terre, éternellement. Mais après cette désobéissance, Adam ne pouvait plus vivre longtemps. Directement, il perd. Il perd la santé. Il perd sa relation avec Dieu. Il meurt d'abord spirituellement. La mort spirituelle veut dire quoi? Veut dire tu es séparé de ton Créateur. Il ne t'écoute plus, ne te protège plus. Mais c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. A aussi les faveurs du Très-Haut, la protection. Tu ne veux pas demeurer, tu ne crois même pas qu'il existe. Tu veux qu'il fasse quoi de toi? C'est pas lui qui doit s'approcher de toi. La Bible déclare, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. C'est moi qui dois le chercher. Toi, tu es qui pour qu'il aille te chercher là où tu es, dans ta mort, dans tes avalé par le serpent, et c'est Dieu qui ira te chercher? C'est pas ce qui est écrit. Afin que tu sois heureux. Tu ne peux pas être heureux lorsque tu es attaqué par les virus, détruit par les virus, les maladies bizarres, les choses pareilles. Attaqué, les virus ici sont les serpents. Le serpent est là pour te détruire. Le serpent est là pour annuler les desseins de Dieu dans ta vie. Mais ce n'est pas parce qu'il est puissant. Il le fait parce qu'il te séduit. Comme exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La question du serpent dans le diable qui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. Écoutez la réponse de la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 dit que la femme a été séduite. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'était une séduction. Ok. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il fait quoi là? Il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Il est en train de séduire. Il dit, vous serez comme lui. Il vous a caché beaucoup de choses. Mais il est mauvais. Mais Dieu est mauvais. Dieu est dangereux pour vous. Qui les a créés? C'est Dieu. Est-ce que le serpent a changé de tactique de nos jours? Il n'a pas changé de tactique. Il poursuit sa course. Il séduit l'humanité. Il a séduit toute l'humanité. Il a tourné les yeux des hommes et des femmes vers les richesses. Vous serez comme de Dieu, vous pouvez gérer la nature comme vous voulez. Et c'est les mêmes hommes qui reviennent nous dire qu'il y a un réchauffement de la planète. Aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'on fabrique les virus? On fabrique les virus comme les armes. Mmh. Qui te dit que ce coronavirus n'a pas été fabriqué par les gens qui sont inspirés par le serpent? Est-ce que Dieu peut inspirer quelqu'un de détruire l'autre? Pas du tout. Mais qui le fait? C'est le serpent. Mmh. Donc, il finit par t'inspirer. Tu crées des armes pour détruire les autres. Mmh. Toutes les armes qui sont fabriquées dans ce monde, l'eau, le commerce le plus florissant dans le monde aujourd'hui, c'est lequel? Ce sont les armes. Tout à fait. L'homme parvient à fabriquer des armes de haute dimension, sophistiquées, comme je le dis dans mon livre témoignage. Mmh. Ceux qui ont lu mon livre témoignage, je vais raconter ce que j'ai fait pour toi, comprennent. J'avais dit beaucoup de choses, tout ce qui est ciel, tout ce qui est dit aujourd'hui est mentionné dans ce livre. Mais comme le serpent a réussi à abrutir les gens, même ceux qui lisent la Bible, ne parviennent pas à comprendre que le monde est géré par le serpent, dont le diable. Mmh. J'ai déclaré la guerre au serpent lorsque je suis arrivé au Cameroun. Quelques 3 semaines plus tard, on a lancé le séminaire sur le serpent. Ne sachant pas que ce coronavirus est déjà en marche, fabriqué. Moi, je dis fabriqué dans les laboratoires scientifiques. Mmh. Parce que c'est la même science qui nous dit que Dieu n'existe pas. Mmh. C'est la même science qui fabrique tout ce que vous voulez. Les aliments que nous consommons, qui ne peuvent pas nourrir notre corps, qui inspire, c'est le serpent. Les boissons, l'alcool que les gens consomment. Est-ce que Dieu a dit de boire l'alcool? Pas du tout. Est-ce que l'alcool nourrit? L'alcool ne nourrit pas. Aucune vitamine, aucun nutriment. Et en principe, le serpent inspire les gens à fabriquer les aliments que nous consommons, mais qui ne peuvent jamais nourrir notre corps, qui sont en principe un poison lent pour détruire notre corps. Ils ont mis des saveurs dedans, des substances dedans, qui nous amènent à s'attacher à ces aliments en abandonnant le naturel. Mmh. Tout ça, c'est le serpent qui est derrière. Mmh. Le serpent est à l'origine de la contrefaçon. La Chine est le temple. Le temple d'inspiration sur la contrefaçon. C'est pas vrai? C'est tout à fait vrai. Tout ce qui est fabriqué d'origine, ce qui est origine ne peut pas apporter des malheurs dans la vie de qui que ce soit. À moins que tu utilises ça d'une manière exagérée. Mm-hmm. Mais tout est contrefait au niveau de la Chine. Tout ce que vous fabriquez, vous allez en Chine, les Camerounais quittent ici en Chine avec les marques en disant aux Chinois fabriqués. Mm-hmm. C'est répandu dans le monde. Les Africains, le monde entier. La Chine est devenue l'atelier du monde. Au point où Dieu est effacé. Ceux qui ont besoin d'argent vont où? En Chine. Ceux qui veulent que leur projet soit réalisé, les chefs d'État, vont où? En Chine. Est-ce que quelqu'un tourne les regards vers Dieu? Non. Tout le monde fait des courbettes, même si la Chine aujourd'hui est un mauvais exemple pour la démocratie. Tous les Européens sont à genoux devant la Chine. C'est pas vrai? C'est vrai. Tous les Européens à genoux devant la Chine. Il est devenu le roi malgré tout ce que les Chinois font dans le monde, y compris, on me dit que les Occidentaux nous ont apporté la démocratie pour développer nos nations, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que la Chine est démocrate? Pas du tout. Est-ce que c'est un pays démocratique? Non, du tout. Jamais du tout. La Chine, le nouveau président a même changé la constitution. Mmh. Il est à vie. Il gouverne la Chine à vie. Mmh. Mais est-ce que quelqu'un dans le monde, les grandes puissances, ont osé ouvrir la bouche. Aucune puissance. Aucune puissance. Mais qu'est-ce qu'on entend dire du Cameroun? Pays. Un dictateur. Il est là depuis 37 ans. Mais nous allons tous en Chine. Mais est-ce que tous les Camerounais qui parlent aujourd'hui que le président est là depuis 37 ans, est-ce qu'ils ne vont pas en Chine? Si. Pourquoi ils vont en Chine là où quelqu'un a même dit que je suis ici à vie, jusqu'à changer de constitution? Tu vois comment le serpent parvient à détruire nos nations, à détruire nos vies par des éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. La richesse n'a rien à voir avec la spiritualité, s'il vous plaît. C'est Dieu qui est le terme de la richesse. Et lorsque vous tournez le dos à Dieu, vous vous attachez aux richesses. Derrière ces richesses, il y a le serpent. Mmh. Et c'est ce que le serpent est en train de faire. J'ai pris les exemples samedi. Vous allez dans un pays comme Dubaï. C'est un pays riche. Est-ce que c'est un pays démocratique? Non. Ce sont les Émirats. Ce n'est pas un pays démocratique. Mais le monde entier, toutes les grandes puissances, Trump était là-bas, Obama était là-bas, tous les présidents y vont pour aller faire quoi? Garder l'argent, faire les affaires, les attirer, ainsi investir. Mais pourquoi ils vont investir dans un pays non démocratique? Pourquoi c'est lorsque un petit pays pauvre, minable, le chef de l'État essaie de changer la constitution et les muscles commencent à sortir et il faut qu'on l'enlève? C'est pas le serpent, c'est exactement le serpent. Le monde voyage d'une manière déséquilibrée. Celui qui est puissant gagne, se maintient comme il veut, il fait ce qu'il veut, mais celui qui n'est puissant, qui n'est pas puissant, doit obéir aux ordres du python. C'est exactement ce qui se passe. Il y a donc ce qu'on appelle la manipulation. Il est en train de manipuler qui? Adam et Ève. Contre leur propre père. Et c'est ce qui se passe également chez nous, dans notre pays, où le python nous manipule contre les dirigeants. Dans nos pays en Afrique, ils manipulent les Africains contre leurs propres dirigeants. Et c'est l'explosion des guerres de troubles. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les actions du serpent. Et quand j'explique tout ça spirituellement, comme les gens ne sont pas spirituels, comme ce que dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 2, ils ne sont pas spirituels. Ce sont, la Bible les appelle hommes animaux. Ils ne peuvent jamais recevoir ce que je dis, comprendre ce que je dis, parce que j'analyse des choses spirituellement. Et pour me comprendre, il faut aussi être spirituel. Donc, il est dit, homme animal, chapitre 2, mais l'homme animal, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ce qui se passe dans l'action de Python, je juge ces actions de Python par le canal du coronavirus. Je traite ce sujet spirituellement. Mais, comme je l'ai dit, l'homme animal, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée de Dieu. Ainsi, quand on avance dans les analyses, dans les révélations, on comprend que ce que le monde traverse aujourd'hui, aujourd'hui, la France est fermée. L'Union européenne décrète qu'à partir de midi, il sera midi dans 2 heures seulement, 2h23, il sera midi. 27 minutes, il sera midi. Dans 2h27, il sera midi. Tu ne pourras plus entrer avec ton visa, même si tu as un visa sur le passeport, tu ne pourras plus entrer dans les 27 pays de l'Union européenne. Ils traitent leur problème de coronavirus ensemble, à l'intérieur de l'Union, dans les pays de l'Union, parce qu'ils sont ensemble. Et même jusque-là, les frontières Schengen se sont éclatées. Pourquoi? Parce que chacun, la France, il y a déjà les frontières entre la France et l'Allemagne qui sont fermées. Tu as entendu ça depuis longtemps? Pas du tout. La France également et la Suisse, les frontières sont fermées. La France également et les autres pays voisins, l'Italie, les frontières sont fermées. On n'a jamais vu une telle chose depuis que l'Union européenne est née. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu les uns et les autres rester à la maison pendant des semaines, alors que ce n'est pas le moment des vacances. Le moment des vacances arrive. Mais on n'a jamais vu qu'au mois de mars, toutes les familles, les enfants, les universités sont à la maison. On n'a jamais vu ça depuis que le monde est né. Sont à la maison. C'est un signal d'alarme pour l'homme chrétien qu'il doit comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? L'enlèvement. L'enlèvement, mais avant l'enlèvement, nous devons lutter contre ce virus. Si je dis virus, puisque nous sommes spirituels, c'est le serpent. Nous savons que c'est le serpent. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Il dit, tu écrases, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que le coronavirus, pour celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, le coronavirus ne doit pas te gêner, ne peut pas te détruire. Il suffit seulement de demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? C'est la nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Jésus-Christ, parce que les choses ont changé. Après la chute de l'homme, j'ai commencé par le commencement. Maintenant, la solution que Dieu propose, comme les scientifiques nous proposent la solution de laver les mains, n'est-ce pas? Oui. Et aussi d'utiliser les produits comme ça. Moi, j'ai acheté ça et je vends aussi en même temps parce que je suis un homme d'affaires, si ça ne vous dit rien. Je suis un homme d'affaires et ma société vend ce produit. Et ça ne coûte pas cher du tout. Et je pense que le coronavirus coûte plus cher pour ta santé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis quand même un homme de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Je crois à l'évangile, n'est-ce pas? Tout à fait. À la puissance de Dieu. Oui. Mais je dois prendre des mesures de propriété. Ce que les chrétiens ne font pas. Le chrétien te dira, moi je suis spirituel. Et tu verras, dans sa spiritualité, il est sale. Est-ce que Dieu a dit d'être sale? Pas du tout. Pas du tout. Jésus a même parlé du parfum. Si, même si tu jeûnes, parfume ta tête. Est-ce qu'on peut se parfumer sans se laver? Non. Donc, il faut être propre. Est-ce que tu me comprends? Oui. Il faut être propre. Si tu es propre, ça c'est la première. Il y a la propriété spirituelle. Il y a la propriété physique. La Bible dit, je désire que tu prospères, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme est encore habitée par le péché originel, est-ce que tu peux prospérer? Pas du tout. Jamais. Parce que Dieu a condamné. Le péché est dans le sang. Il n'y a que le sang également qui peut laver le sang. Alors, si ton âme ne prospère pas à cause de la présence du péché originel, et quand on dit péché originel, l'eau ne peut pas enlever le péché originel. C'est pourquoi la Bible appelle ça les souillures du corps. 1 Pierre, le chapitre 3. Excusez-moi, ceux qui n'aiment pas lire la Bible, bon, c'est ma façon de faire. Moi, j'aime la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas la parole de Dieu, vous quittez. Je ne vous ai pas forcé vraiment de me suivre. Mais si vous m'insultez, vous aurez le coronavirus. Je suis un homme de Dieu. Vous m'insultez, vous êtes sur ma page Facebook. Je ne vous ai pas demandé de me regarder. Vous m'insultez, vous allez comprendre. Vous allez rencontrer le coronavirus. Il va vous détruire. C'est le serpent. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sûres du corps. Qu'est-ce que tu appelles les sûres du corps? C'est le charbon que tu as eu quelque part en passant. Non, ce n'est pas le charbon du tout. Les sûres du corps, c'est quoi? C'est le péché originel. Nous naissons avec ça. Ce sont les alliances de sang, les péchés de nos ancêtres, les coutumes de nos ancêtres. Et également nos propres péchés. Ce sont les sûres du corps. Mais les sûres du corps ne commencent pas sur nos péchés à nous. Ça commence sur le péché ancestral, adamique. Nous naissons avec ça. Cette souillure, avec cette condamnation, avec cette malédiction. Alors, si tu as ça dans le sang, le coronavirus va te faire la fête. Il a un accès facile. Dans ta vie, le coronavirus a un accès facile dans ta vie pour te détruire. Pour te détruire. Il va te détruire. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Dans la voiture. Sur le ciel. Tu n'es pas né de nouveau, donc il va te détruire. Ce sont les premières sueurs. Et le serpent se nourrit des sueurs. Parce que Dieu dit, il ordonne au serpent, tu vas te nourrir de la poussière. Mmh. Qu'est-ce que Dieu appelle poussière? Dieu a utilisé la poussière pour créer l'homme. Mmh. Et après, il dit, dès qu'il finit par créer, l'homme finit aussi par désobéir, poussé, séduit par le serpent. Il dit au serpent, tu vas te nourrir de lui. Mmh. Donc, à cause du péché originel, à quelle occasion Dieu a prononcé ces paroles? Après le péché. Après le péché originel. Mmh. Donc le péché originel donne accès aux démons, à la sorcellerie de ta vallée. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans les religions, sans nouvelle naissance, ils sont d'abord fils de Satan, dit la Bible, c'est pas moi qui le dis. Mmh. Fils de Satan, ils ont pour père le diable, comme Jésus le disait aux pharisiens. Mmh. Pourquoi Jésus le dit aux pharisiens? Parce que les pharisiens ont refusé le Sauveur qui avait dans son sang, dans son corps, un sang que Dieu cherchait dans toute l'humanité. C'est seulement le sang de Jésus qui pouvait laver le sang de toute personne. Le sang de tout être humain. Afin que les souillures soient lavées, purifiées. C'est seulement le sang de Jésus. Les souillures donnent accès au coronavirus. Ok. C'est pourquoi j'ai préconisé, j'ai donné une révélation hier en demandant aux gens que c'est la guerre. Le président Macron a déclaré la guerre au coronavirus. Scientifiquement parlant, mais spirituellement. La France est vaincue. Les portes sont fermées, non? Tout à fait. Les entreprises fermées. Oui. Tous les Français sont à la maison. Les commerces dévalisés. Les commerces vides. Les usines à l'arrêt. Les écoles, universités. Qui a gagné? Le coronavirus, le serpent. Mmh. Pourquoi? Parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Et Dieu, quand tu tournes le dos à Dieu, tu reçois exactement ce qui arrive à l'humanité aujourd'hui. Mmh. Tout le monde est désarmé. Est-ce que les Camerounais vont encore en Chine? Pas du tout. Prends l'avion aujourd'hui, mais ayant ton visa. La personne qui peut entrer en France maintenant, c'est moi, parce que je suis résident. On ne peut jamais me fermer la porte. Non, du tout. Je rentre chez moi, je monte la carte avec la RS, où j'habite ma maison. Ah oui, il est résident. Moi, je peux entrer. J'ai même ma famille là-bas. Je peux entrer aujourd'hui, ce soir. Mais quelqu'un avec le visa ne peut pas entrer. Oui. Ne peut pas entrer avec un visa. Non, non, non. Monsieur, reste chez toi. Mais moi, je reste là-bas, donc on me laisse passer. Et rien que ceux qui résident, on te considère comme habitant de ce pays, comme quelqu'un. Mais maintenant, les autres, on n'a jamais vu une telle chose. Est-ce que Air France n'a pas besoin d'argent? Si. Et pourquoi les avions sont à terre? Pas de passagers. Un paradoxe. Parce qu'ils n'ont plus de réponse. La seule personne qui détient la réponse est Dieu. Et c'est Dieu là passe par ses serviteurs. C'est pourquoi je vous propose un chemin par excellence. Il faut naître de nouveau. Après la nouvelle naissance, il faut également avoir la révélation sur le serpent. Ce séminaire, vous voyez comment Dieu fonctionne avec moi. Des semaines avant. Est-ce que je n'anime pas un séminaire sur le serpent? Si. Hier, avant-hier, tout ça. Il faut voir les manifestations. Mais on demandait aux gens, venez. Ils me passent le temps à m'insulter. Qui les pousse à m'insulter? C'est le même serpent. C'est lui-même le serpent. Parce qu'il sait que si tu m'écoutes, tu seras sauvé. Quand il dit sauvé, tu seras sauvé du coronavirus. Il dit, celui qui croit en lui ne sera plus confus. Mmh. C'est la confusion dans le monde. Quand on a besoin de l'argent, on va en Chine. C'est la confusion maintenant. La Chine même est désarmée. Quand on a besoin des soins, on va où? On va en Chine ou bien à l'extérieur. Ou bien à l'extérieur, en France ou en Belgique, quelque part, en Suisse. C'est pas ça le Camerounais? Si. Mais prenez encore les avions et partez. C'est la confusion. La Bible dit, celui qui croit en moi ne sera plus confus. Vous ne voulez pas croire. Vous dites, nous sommes des intellectuels, on a l'argent. Le jour que je tombe malade, j'irai me soigner en Suisse. Allez-y, j'irai me soigner en France. Allez-y. J'ai vu les Français pleurer. Les médecins pleurent, tout le monde pleure. Les médecins disent, on n'a pas de masque, on n'a pas de produit, on n'a rien. Les médecins français. Les médecins français, ils pleurent. J'ai vu. Regardez les émissions. C'est la confusion dans le monde. Trump pleure de son côté, mais Trump de son côté a déclaré. Il dit, journée de prière. Mmh. Tu n'as pas suivi ça? Si, c'est dimanche. Journée de prière. Quand est-ce que nos présidents vont déclarer journée de prière aussi? Nos sous-préfets, nos préfets, nos ministres, vous allez déclarer journée de prière. Vous dépassez les États-Unis où? Vous dépassez les États-Unis où? Dans la connaissance, rien. Dans la richesse, domaine richesse, rien. Rien, rien, rien, rien, rien, rien. Vous dites, Dieu bœuf, c'est la réincarnation, c'est des conneries. Mais où sont les francs-maçons? Proposez-nous les solutions. Rosicruciens. Donnez-nous les solutions, non? La France n'est-elle pas rosicrucienne? Oui. N'est-elle pas? France veut dire franc-maçon? Oui. Hein? Ça vient d'où? De là, non? Mm-hmm. Et la France n'est pas fermée? Oui, tout à fait. Mais arrêtez de bluffer les gens. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions. Nous avons le pouvoir. Nous avons la solution. Et la solution, c'est Dieu. Il n'y a pas autre chose, messieurs. Il n'y a pas autre chose, madame. Il n'y a que Dieu dans le monde. Il est le créateur. Et il exige qu'on l'écoute. On ne l'écoute pas. C'est lui qui croit au Fils. C'est Dieu qui dit. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit point. La colère de Dieu demeure sur lui. Et la colère de Dieu se manifeste maintenant dans le monde. On a passé le temps à courir derrière l'argent. Mais où est l'argent maintenant? Dieu est en train de détruire tout, détruire. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. On tue pour avoir de l'argent. On entre dans la magie pour avoir de l'argent. Tu vends ta femme pour avoir de l'argent. Tu vends tes enfants pour avoir de l'argent. Tu insultes les pasteurs pour avoir de l'argent. On t'achète pour écrire contre les pasteurs. Parce que tu as besoin de l'argent. Mais le coronavirus va vous toucher. Va vous toucher. Il est en train de décimer, de détruire. Il ne fait exception à personne. Ce qui arrive là, c'est le jugement de Dieu avant l'enlèvement. Il faut que les chrétiens comprennent. C'est grave. C'est un message de Dieu pour toute l'humanité. Trump déclare journée de prière. Est-ce qu'il n'y a pas de scientifiques aux États-Unis? Si. Il n'y a pas de chercheurs aux États-Unis. Les meilleurs chercheurs. Il n'y a pas d'intellectuels aux États-Unis. Ils sont d'ailleurs. Quels intellectuels nous avons au Cameroun? Mais arrêtez de bluffer les gens avec vos conneries, vos histoires. Nous avons quel intellectuel dépassant les États-Unis avec des laboratoires de recherche pas croyables. Mais tu arrives au Cameroun, oui, waouh, waouh, waouh. Ils ont même. Quelqu'un te dit que je ne peux pas aller dans une église parce qu'on filme, on risque de me voir. Ok, on va te filmer avec ton coronavirus. On va te filmer. Regardez-moi les gens. C'est Dieu maintenant. Pourquoi vous ne trouvez pas la solution? Trouvez la solution. Dieu dit, celui qui croit ne sera plus confus. Il n'y aura plus de confusion. Ce qui est dit dans le livre de Psaume. Au 82, combien? 91. 91, au verset combien? À partir du verset 16. Alors, tu peux lire, fils. Il est écrit, Psaume 91, à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je m'adresse à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui vont regarder. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole le jour. Mais tout ça, c'est la sorcellerie, non? Oui. Les terreurs de la nuit, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Mmh. C'est pourquoi cette nuit, nous déclarons la guerre. Aujourd'hui, à partir de 17h, descend en vente Tropicana. À 17h, il reste une heure pour que la nuit tombe. Oui. Pourquoi Dieu dit les terreurs de la nuit? Les terreurs de la lune, c'est les pratiques de sorcellerie. C'est des pratiques, je sais ce que je dis. Parce que avant d'être serviteur de Dieu, je suis passé par là. Il faut lutter. Quand les démons se réveillent, à partir de 18h, qui commence, c'est en ce moment que nous commençons aussi le combat. J'ai écrit le titre que j'ai donné sur cette vidéo, la guerre contre le serpent, coronavirus. C'est pas par hasard, c'est pas vraiment une parole hasardeuse que j'ai utilisée, je sais ce que j'ai dit. Nous allons utiliser le sang. Je vais vous dire à la fin de ce message pourquoi. C'est une révélation pertinente. Il n'y a rien d'autre qui peut vaincre le coronavirus. Il n'y a rien d'autre. On va dire, oui, les gens guérissent. C'est la guérison scientifique. Qui vous dit que ceux qui guérissent, ils ont toujours le serpent dans le corps qui se manifeste, c'est comme ça qu'il agit. C'est un trompeur. Mmh. Quand tu vas chez le féticheur, il te fait croire qu'il t'a guéri, non? Oui. Il te dit tout. On t'a liquidé en sorcellerie, moi je peux te sauver. Et tu crois qu'il t'a sauvé. Et tu te retrouves avec un soulagement, tu n'es plus malade. Et tu proclames que ce féticheur est puissant, il m'a sauvé. Non, il n'a fait que déplacer le mal. Il n'a fait que déplacer le démon. Il n'a fait que faire ce qu'on appelle l'échange du démon. Mmh. Il a enlevé celui-ci, il a remis l'autre. Celui qui devait être détruit. Qui devait être détruit, il a enlevé. Qui détruit le corps physique. Mmh. Mais qui détruit, il met celui qui détruit le corps spirituel. Qui te rend plus incrédule encore face à la parole de Dieu. Mmh. Parce que ce que le diable a besoin dans ta vie, c'est ton âme. C'est pourquoi il peut te proposer toutes les richesses du monde. L'âme vaut plus que toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les enfants de Dieu qui ne sauvent pas les âmes par l'annonce de la bonne nouvelle. Mmh. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'invites personne au séminaire. Tu n'annonces pas la bonne nouvelle aux gens. Tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu te détruit. Parce qu'une âme vaut plus que toute l'humanité. C'est maintenant Dieu donne une occasion à l'église. Et l'église, c'est qui? C'est toi et moi. À descendre à la rue pour annoncer l'évangile. À descendre à la rue pour annoncer l'évangile. Mais nous sommes en train de trembler à cause des nouvelles que nous entendons tous les jours. Nous sommes assis devant les postes téléviseurs. Mais on disait aux Français, les gens qui habitent la France, allez évangéliser, ils disent, et oui, la France a voté des lois, et il n'est plus interdit, il est interdit d'évangéliser, il est interdit de faire ceci. Ok. Maintenant alors, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Il faut continuer à suivre les lois. Ceux qui sont ici en Afrique, est-ce qu'on a voté les lois? Est-ce qu'au Cameroun, le président interdit à tous soit d'annoncer l'évangile? Personne. Personne. Personne. Mais est-ce que les gens annoncent l'évangile? Les chrétiens n'annoncent pas l'évangile. Ils vont même dans les églises pour aller chercher l'argent, les bénédictions matérielles, les bénédictions physiques, le mariage. Ils ne vont pas à l'église pour aller chercher Dieu. Et ce genre de chrétiens, c'est le coronavirus, le serpent qui se manifeste dans sa vie, mais il ne le sait pas. Il va contre la parole de Dieu. C'est pourquoi ils vont prophète sur prophète, église sur église. Aucune couverture spirituelle. Il ne saura même pas, il ne sait même pas qui l'avait réellement annoncé l'évangile. Il est né de nouveau où Adam est né dans le jardin d'Éden. Il est né dans le jardin, créé par Dieu. Le serpent finit par le séduire. Il sort du jardin comme les gens qui sortent des assemblées. Ils vont d'une église à l'autre. Pourquoi? Ils cherchent quoi? Adam cherchait la connaissance. Adam cherchait les richesses. Mais chez le diable, il a écouté le diable. C'est pourquoi beaucoup de personnes seront frappées par cette histoire. Ils sont frappés financièrement, matériellement, à cause de la rébellion. Parce que la rébellion vient du serpent. Vient du serpent. Alors, le livre de Psaume 91, tu étais en train de lire justement. Nous sommes au verset 6. Oui. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il y a contamination, non? Oui. La peste avec coronavirus. Pourquoi on te dit de rester à 1 mètre ou 2 mètres de moi? En France, maintenant, tu ne peux plus rester à 1 mètre de qui que ce soit. Oui. J'ai rigolé, j'ai regardé ça à la télévision. Ils entrent dans les centres commerciaux en rond. Tu finis, tu sors. L'autre finit également, il sort. Hein? C'est pas comme ça la France, mais non. Et le président a insisté d'ailleurs sur cela hier. Il a insisté. Donc, pour que tu quittes ta maison aujourd'hui en France, il faut avoir une autorisation. Oui. Que tu télécharges. Mmh. L'autorisation est émise par qui? Par le gouvernement. Oui. Et si toi tu n'as pas Internet, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Il y a des Africains en France qui n'ont pas Internet. Même pas un téléphone Android. Même pas dans la maison, il n'y a pas d'ordinateur, même pas d'imprimant. Maman me parlait de ça. Des gens qui n'ont pas Internet. Parce qu'on côtoie ces gens-là. On sait qu'ils n'ont pas imprimant ni ordinateur à la maison. Ils vont faire comment pour. Tu ne vas pas sortir pour aller dans un centre, pour aller télécharger. Tu dois le faire. Tu ne dois pas traverser ta barrière. Et ceux qui habitent les appartements, dont tu es là en haut, tu ne descends même pas. Parce qu'il y a 100 000 policiers qui sillonnent toute la France. Avec les gendarmes. Policiers, 100 000 gendarmes et également les militaires. Donc, tous les quartiers seront assaillis par la police, les militaires, la gendarmerie. Si on te croise sans autorisation, tu reçois une amende. C'est ça la France. Mmh. Et ça va durer combien de temps? En Italie, 400 personnes meurent en 24 heures. Oui. Tuées par coronavirus, avalées par le serpent. Alors, ils ont un système médical efficace. Est-ce que nous avons un système médical? Pas du tout. Ça a commencé une personne au Cameroun. Ça a commencé comme ça en France, partout et dans tous les pays, même en Chine. Oui. Une personne d'abord, deux, trois, au fur et à mesure qu'il y a la contamination. Et que vient de dire le livre de Somme? Ni la contagion qui frappe. Ni la contagion qui frappe, tu ne dois pas craindre. En plein midi. En plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 meurent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Qui? La personne qui est née de nous. Oui. La personne qui persévère. La personne qui marche selon la révélation. La personne qui boit le sang de Jésus. Parce que Jésus a bien précisé dans le livre, dans son évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre combien? Au chapitre 50. Chapitre 6. À partir du verset 50. Il est décrit. Il est décrit. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain. Qui est le pain? Est-ce que c'est Charisson qui est le pain? Non du tout. Moi, mon corps était noyé dans la pollution, dans les souillures du monde. C'est grâce à son sang que je me considère comme ça. C'est ici le pain qui descend du ciel. Oui. Afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui en mange ne meure point. Est-ce que tu peux manger dans de mauvaises conditions? Ok. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meure point. Parce qu'il y a des conditions pour manger. Il faut naître de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, tu ne dois pas toucher. Ça va te tuer. C'est 1 Corinthiens chapitre 11 qui nous dit. Ça va te tuer. Tu vis dans de mauvaises conditions, ça va te tuer. Il y a des conditions pour manger ce pain-là. On ne mange pas parce que j'ai peur, oui. Non, il faut d'abord au préalable d'être. Tu as le péché originel dans ton sang, tu ne dois pas toucher. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai reçu le Seigneur, mais le jour qu'il a reçu le Seigneur, il ne connaît même pas d'abord le jour qu'il a reçu le Seigneur, pour commencer. Comment le piton va te rater? Coronavirus va te rater. Tu ne sais même pas. Prenons, nous avons les enfants à la maison avec un acte de naissance. Si les hommes savent s'organiser, c'est Dieu qui ne peut pas s'organiser. Spirituellement, tu dois connaître le jour que tu as reçu le Seigneur. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tu l'avais reçu quand? À tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Quel jour il t'avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Est-ce que c'est le jour que tu es né biologiquement parlant, physiquement parlant? Non. À tout ce qu'ils ont, tu dois le recevoir. Pas parce que, on m'avait amené dans une église et puis il y avait un parrain derrière moi. Est-ce que c'est ce qui est dit? Non, pas du tout. C'est toi qui reçois, ce n'est pas le parrain. La religion, le serpent est passé par la religion. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le monde a tellement de problèmes avec les histoires des religions. Et les gens confondent la religion avec un enfant de Dieu, avec chrétien. Quelqu'un posait la question sur Facebook l'autre jour. Il dit, est-ce que c'est compatible d'être franc-maçon et chrétien? Je dis oui, on peut être franc-maçon et chrétien. Mais on ne peut pas être franc-maçon et enfant de Dieu. J'ai répondu. Parce que les francs-maçons sont des chrétiens. Mais un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être franc-maçon. Mmh. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Un vrai enfant de Dieu n'ira jamais chez un féticheur, chez un marabout. N'ira jamais adorer les crânes. Ne parlera jamais aux morts, comme dit le livre de Deutéronome. S'adresser aux morts, aux défunts. Un vrai enfant de Dieu ne le fait pas. Mais dans la religion, on le fait ouvertement. Dans la religion, on le fait. On va quand même s'asseoir dans une église en disant je suis catholique, je suis protestant, je suis de l'épicier, je suis adventiste, je suis. Dieu, ça ne dit rien à Dieu. Tu portes une étiquette que tu es sur la terre, tu es dans telle église. Ça, c'est ton identité. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu veut est que tu lui donnes ça, ta vie, dans ton corps comme un sacrifice. Romains chapitre 12. Dans ton corps comme un sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour ça. Le sang de Jésus, pourquoi on doit le boire? On le disait tout à l'heure. C'est le seul sang qui est clair. Le sang d'un poulet n'est pas clair. À des souillures du péché originel. Le poulet que le féticheur t'avait demandé, poulet du village, a le péché, les souillures du monde là-dedans, dans son sang. Le sang que tu as bu, on t'avait demandé chez le féticheur, le python t'avait, le serpent t'avait demandé de manger, d'apporter un poulet. On a tué le poulet et tu as mangé le poulet sans casser les os. C'est ce que le féticheur vous demande souvent de faire. Et puis vous pensez que le féticheur vous fait du bien. Et dans la chair du poulet, il y avait le péché originel. Oui. Dans le sang de ce poulet, il y avait le péché originel. On t'a demandé une chèvre, un mouton, je ne sais même pas ce qu'on t'a demandé là-bas. Les parfums, il y avait le péché originel. Tout ce que l'eau même, l'eau en question là, si cette eau n'est pas sanctifiée, il y a le péché originel dedans. Vous savez, quand on dit chalet sans bavant en eau, ce n'est pas une simple eau, c'est une eau sanctifiée, pas bénite. Parce que dans la religion, on parle de bénédiction. Oui. Dans la parole, on parle de sanctification. Sanctifier. Cette eau est sanctifiée. Il n'y a plus de péché originel. Il n'y a plus de malédiction originelle. Pourquoi l'eau tue? L'eau ne tue pas. Si. Quand tu tombes dans l'eau, tu fais quoi? Tu meurs. Tu meurs. Qu'est-ce qui te tue? C'est l'eau. Est-ce que c'est un poison? C'est pas un poison, mais ça te tue. Donc, l'eau tue tout. Tout est en principe dangereux pour la santé de l'homme. Mais avant le péché, l'eau était là. Ça devait nourrir le corps d'Adam et Ève. Oui. C'était pas pour le tuer. Les épines étaient là. Les chiens, les chats et tout ça. Aujourd'hui, quand tu as le chat, tu vois le chat dans ta maison. Le serpent prend l'apparence du chat et il apparaît dans ta maison. Tu penses que c'est un simple chat. Les souris, les cafards, ils apparaissent dans ta maison. Tu penses que c'est des simples souris. Or, c'est le serpent que tu as enlevé. C'est qui se manifeste ainsi. Est-ce qu'il en était ainsi? Dieu n'avait pas créé ces choses, mais. Pardon, c'est le serpent qui fait ses travaux. Qui fait ses travaux. Donc, quand tu bois dans le sang de Jésus, le seul sang qui est pur, il n'y a pas un autre sang dans le monde. Il n'y a pas un prophète qui a eu un sang comme celui de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'a pas été contaminé. Pourquoi? Lors de la naissance de Jésus, il n'y a pas eu de contact sexuel. Alors, le même Jésus nous dit, quand tu es déjà né de nouveau, et que tu prends le jus de raisin, tu pries, tu sanctifies le jus de raisin, et tu prononces des phrases, parce que je suis autorité spirituelle, un serviteur de Dieu, né de nouveau. Tout ce que je dirais à une bouteille d'eau, je dis, cette eau est sortie de la côte du Seigneur. Et cette eau exactement agit comme celle qui est sortie de la côte du Seigneur. Ce jus de raisin devient le sang de Jésus. Même si dans ta bouche, c'est le goût du jus de raisin, mais spirituellement, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça agit dans ton corps comme le sang de Jésus. C'est quoi la Bible dit? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par le sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau est le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, le péché du monde, c'est lequel? Le péché originel? Oui. Le péché originel, il y a le péché de ton père. Il y a tes propres péchés. Et comme nous péchons chaque jour, les péchés que tu commets chaque jour sans se repentir, ces péchés-là ouvrent la porte au coronavirus. Mm-hmm. Et si tu ne bois pas le sang de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ah, facilement détruit. Tu peux dire, oui, j'avais confessé le péché originel, et puis j'ai reçu le baptême, c'est pas fini. Mm-hmm. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité est prendre. Chaque jour, tu pèches. En pensée, tu pèches. En acte, tu pèches. Mais qu'est-ce qui garantit ton salut? C'est le sang de Jésus que tu bois. C'est pourquoi Jésus donne ce sang en disant, celui qui ne boit pas n'a pas la vie. Mmh. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang. Et si vous ne buvez son sang. Vous n'avez point la vie. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair. Celui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. A la vie éternelle. A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire pendant que tu vis physiquement. Oui. Tu as la vie éternelle, et c'est lui qui a la vie éternelle. Le coronavirus, qui est le serpent, ne peut plus jamais te toucher. Et c'est ce sang que nous allons boire ce soir. Donc tu dois quitter ta maison. Tu dois faire quoi? Quitter ta maison. Quitter ta maison. Tu viens avec tes pieds au temple des nations. Tu viens avec tes pieds. Prends même le bus, même si tu as droit là. Parce que c'est la guerre contre les gens qui étaient ici pour aller voir les prophètes ailleurs, non? Au Nigeria, partout. Pour aller voir les féticheurs. Ils quittent ici pour aller en Inde. Et si tu sais que les Camerounais quittent ici pour aller en Inde. Tout à fait. Pour des futilités, des conneries. Écoute-moi, c'est un Indien qui m'avait initié à la magie. Un Indien. Mais il était incapable, après l'initiation, quand Jésus m'a délivré, il était incapable de me tuer. Parce qu'on avait demandé de me tuer, moi. Parce que je suis devenu le traître. Mais est-ce qu'il a pu me tuer? Non. Je suis passé dans le camp du plus fort. Amen. Dans le camp du plus fort. Vous partez en Inde. L'Inde, c'est quoi? Je partais en Inde dans la vitesse de ma pensée. Après l'initiation, à la vitesse de ma pensée, je partais dans le monde avec mon corps physique, à la vitesse de ma pensée. Donne-moi le nom d'un vol supersonique qui voyage comme ça dans le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez me retrouver dans ta chambre. Et tous les sorciers, le sorcier se retrouve dans ta chambre. Même si tu vis aux États-Unis, il se retrouve dans ta chambre. Sur ton lit, il te couche même avec toi. Si tu ne bois pas le sang de Jésus, le Saint-Esprit est incapable de faire quoi que ce soit dans ta vie. Il y a une révélation derrière ça. Ce que Jésus dit ici n'est pas... Continue à lire. Car ma chair est vraiment une nourriture. Une nourriture. Et mon sang est vraiment une nourriture spirituelle. Ça nourrit ton âme. Un breuvage. Celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, et qui boit mon sang, demeure en moi, demeure en moi. Est-ce que quand tu demeures en Dieu là, le coronavirus peut te détacher, peut te détruire? Impossible. Mais arrêtez de trembler, arrêtez de trembler. Petit virus vous fait trembler, mais croyez au Seigneur Jésus, vous rigolez. Et l'enfer, vous dites, est-ce que tu savais que le coronavirus existait? Tu savais que ça existait? Ok, continuez à dire que l'enfer n'existe pas, machin, tout. Ce sont des enseignements du Python. Il dit au témoin de Jéhovah, l'enfer n'existe pas, machin, tout. C'est le Python, ce sont des serpents. L'enfer n'existe pas, machin, tout. D'autres, c'est la réincarnation. Ok, pourquoi vous fuyez alors? Vous allez vous réincarner, non? Pourquoi vous fuyez le coronavirus? Tu peux mourir maintenant, tu reviens à la vie. Bien sûr. Hein? Oui. Mais pourquoi ils fuient alors? Ce n'est pas les mêmes qui enseignent la réincarnation. Oui. Ils sont dans les maisons, pourquoi? Fermés devant. Vous voyez comment le diable a réussi à tromper les gens? Maintenant, ils fuient la mort. Vous parlez de la réincarnation. Oui, je peux mourir, je peux revenir. Mais Il faut vous exposer au coronavirus, vous allez mourir, vous allez revenir. Minalmi. Minalmi, ça veut dire le mensonge. Ça veut dire quoi? Mensonge. Le père du mensonge, c'est le serpent. La réincarnation, c'est la doctrine du serpent. Continuez à dormir tranquille là où vous êtes. C'est lui qui boit à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Partagez la vidéo. Hein. Si vous ne partagez pas, hein, vous ne partagez pas le coronavirus, vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes dans la désobéissance. Parce que Dieu a dit d'annoncer l'évangile. Moi, je suis en train d'annoncer l'évangile. Comme toi, tu es capable de faire de telles analyses, partage au moins. Ça serait une bénédiction pour toi. Tu ne partages pas, mais il faut comprendre que le coronavirus fera son effet. C'est le python. C'est le serpent. C'est un esprit. C'est un esprit qui touche ton corps. Tu peux donc recevoir la guérison. Il reste là. C'est un esprit destructeur. Il détruit l'économie du monde. Tu disais dans l'introduction tout à l'heure. Oui. Et ce sont les spécialistes économie mondiale qui disent que même si le coronavirus venait à disparaître, 2 ans plus tard, il y aura toujours des effets néfastes liés à cette maladie. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur 91.10 FM, Radio Fréquence Vie, un programme qui a valeur d'interpellation sur cette pandémie coronavirus qui, depuis le mois de décembre 2019, est partie de Wuhan en Chine, et c'est avant la célébration du nouvel an chinois, et qui 4 mois aujourd'hui ébranle le monde entier. À ce jour, on parle de plus de 183 000 cas cumulés. Et les effets sont néfastes sur le plan économique, au point où certains spécialistes économiques disent que même 2 ans après cette pandémie, le monde entier, sur le plan économique, aura du mal à se relever. On parle de 300 milliards de dollars sur le plan économique en termes de pertes. Alors, le Cameroun, où sera donc sa place? L'Afrique, pas seulement le Cameroun, l'Afrique. Exactement. Si déjà les grands financiers du monde sont en train de pleurer, en parlant de 2 ans, tu sais ce qui va se passer en Afrique. Mais pour quelqu'un qui a reçu le Seigneur, il ne va pas être inquiété par ce genre de nouvelles. C'est ce que le 191 disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Il dit ceci, au 191, c'est lui. À partir du premier verset. Oui. Celui qui demeure sous, sous l'abri du Très-Haut, oui, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Coronavirus et ses ravages, oui. Ses ravages économiques, ses ravages sociaux, ses ravages. Il te délivre de ça. Amen. Il te délivre de ça. C'est pourquoi les gens doivent descendre aujourd'hui au temple des nations. Oui. À Yaoundé, au Cameroun. À Yaoundé, au Cameroun. Tous les habitants de Yaoundé, restez chez vous à la maison. Coronavirus va vous retrouver. Est-ce que ceux qui sont déjà hospitalisés là savaient qu'ils allaient être touchés? Pas du tout. Vous dites, docteur, que ce soir également, il sera question de fermer les frontières spirituelles. Parce que si les politiques ont fermé les frontières sur le plan physique, les frontières spirituelles autour des nations restent toujours ouvertes. D'où l'importance de descendre au temple des nations. Et à côté de cela, au-delà du sang, il y a cette action prophétique accompagnée également de la poussière. Le rapport, docteur Teresouba, par rapport à cette guerre contre le coronavirus. Dieu a dit au serpent, je l'avais déjà souligné dès le départ, tu mangeras la poussière. Et le coronavirus, c'est qui? C'est le serpent. Et il est en train de faire quoi? Il est en train de manger justement la poussière. Il est en train de manger la poussière. Et la Bible parle que tu ne vas pas craindre quoi? Tu ne devras pas craindre ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras, pardon, au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ok. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le méchant ici, c'est qui? Le méchant, c'est la parole, c'est la puissance du diable, le serpent, qui entre dans le cœur de l'homme, qui endurcit le cœur de l'homme, pour que ce cœur de l'homme ne puisse pas accepter Jésus. Quand on dit qu'on va fermer les frontières spirituellement, s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui refuse Jésus, les ravages de cette peste vont te toucher. Les ravages de cette contagion vont te toucher physiquement, économiquement. Même si le Cameroun n'est pas touché de plein fouet physiquement, mais il sera touché de plein fouet économiquement. C'est pourquoi le chef de l'État, je fais d'abord un dossier aujourd'hui et j'envoie comme d'habitude. Le chef de l'État doit décréter jour spécial de prière. Ça doit sortir de lui dès que ça bouge. Parce qu'il est le chef de cette nation. Comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre des mesures de protection. Oui. Moi, pourquoi j'ai ça maintenant entre mes mains? C'est pour prendre des mesures. Si je dis aux gens, ne vous protégez pas parce que vous avez Dieu, je suis un menteur. Qu'est-ce que Jésus est le diable? Écoute la parole du diable. Face Matthieu chapitre 4. Face au Seigneur Jésus. Il est écrit, Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne. À partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car... C'est ce que les gens vont te dire. Si tu es enfant de Dieu, salue tout le monde. Ça, c'est le piton qui te parle. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu vas te protéger? Pourquoi tu vas nettoyer avec les produits chimiques, tout ça, tout ça? Mais c'est le piton qui te parle. C'est ce que le diable disait. Jette-toi en bas. Parce que... Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle a été la réponse du Seigneur? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu vois, parole contre parole. Oui. Lui, il tord la parole pour ses intérêts. Il voulait que Jésus se jette. Si Jésus se jetait, il mourrait. Il le savait. Mais et Jésus va utiliser quoi? Dans la parole. Contre une parole tordue. Donc quelqu'un qui te dit tu n'as plus besoin de se protéger parce que tu es africain, les Africains sont résistants. C'est connerie comme ça qu'on attend. Et les gens boivent dans les bars, c'est pas leur problème. Est-ce que les Français boivent encore dans les bars? Du tout. Les boîtes de nuit sont ouvertes? Fermées du tout. Complètement. Je vous le dis. Les bars aussi seront fermés ici. Refusez Jésus-Christ. Je verrai dans quel bar vous allez boire. Les maquis fermés, les circuits fermés. Refusez Jésus-Christ, je vous le dis. Refusez Jésus-Christ. Lui seul. Les boîtes de nuit ne sont pas fermées aux États-Unis. Si. Les casinos. Dubaï. Où 2 millions de touristes. Pardon. 20 millions de touristes par an. Aujourd'hui, ils ont tout fermé. Tout fermé. Même l'une des plus grandes avenues du monde, à New York, qui ne dort jamais. Qui ne dort jamais, est dans le sommeil. Dans le sommeil. C'est le message de Dieu. Je précise que c'est le message de Dieu. C'est le message de l'Éternel. Il va réellement, il va réellement se charger de vous. Il est en train de se charger du monde entier. C'est pas seulement le Cameroun. Oui. Parce qu'on a trop insulté Dieu dans ce pays-là. Quand tu insultes le nom de Dieu, tu insultes qui? Parce que tu hais Dieu. Mm. Tu hais Jésus. Et quand moi je parle de Jésus, tu m'insultes. Ah, c'est des gens, ils vont pas ici. On va essayer de continuer à faire. On a raconté ça en France. Des conneries. L'économie est à terre. Un point. La Bible parle du dévoreur. Mm. Tu as déjà vu ça dans le livre de Malachie? Oui. Mm. Dieu a la parole, Dieu ne dort pas. Le dévoreur, c'est qui? C'est pas le coronavirus? C'est le serpent lui-même. La parole de Dieu. Un fou rempli de coronavirus et de serpents se met à la télévision, sur les réseaux sociaux. La dîme n'est pas biblique. Vos pasteurs s'enrichissent avec vos dîmes. Voilà l'évangile du diable. L'évangile du diable, c'est ça. Écoute, que dîme qui n'est pas biblique? Qui parle dans le livre de Malachie? Ce n'est pas Jésus. C'est tout à fait Jésus. Lis à partir du premier chapitre, du premier verset au chapitre 3. Il est écrit. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ok. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Qui parle? Dieu. N'est-ce pas? Mm. Ok, continuons à lire. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Il y a là deux messagers. Mm. Le premier messager qui sera envoyé, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Et il est venu, n'est-ce pas? Tout à fait. Le deuxième messager, qui fait allusion là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Mm. Et Dieu descend dans le monde. Mm. Pourquoi les gens disent que Dieu, Jésus n'est pas Dieu? Vous voyez? J'entends les gens qui viennent, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais recommence encore. Il est écrit. Voici, j'enverrai mon messager. Oui. Il préparera le chemin devant moi. Devant moi. Mmh. Qui parle? Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Il préparera le chemin devant moi. Mmh. Ok. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Mmh. Le Seigneur qui? Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Que vous désirez. Voici il vient. Voici il vient. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Si tu n'es pas, si tu ne pas comprendre. Quelle alliance? La nouvelle alliance. Et ça, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Oui. Après ça, on entre dans la nouvelle alliance. Mmh. Jean-Baptiste n'est pas arrivé. Si. Qui a annoncé, qui est venu préparer les voies de qui? De notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus Christ. Et qui parlait dans le premier verset? Mmh. C'est Jésus. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous dans le monde. Dieu est entré dans le monde. Et Dieu fait ça pourquoi? Parce qu'il voulait le sang, un sang pur. Le livre de Romains précise que la nature a été soumise à la vanité de l'homme. Mmh. C'est pas ça? Oui. La nature elle-même soumise à la vanité de l'homme. Oh là là. Je me demande comment les gens lisent leur Bible. Il est écrit, Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. Mais non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui c'est Adam? Mmh. Le diable, le serpent. Tout a été pollué. Il fallait donc, Dieu quitte le ciel. Malachie chapitre 3, verset 1er. Dieu lui-même quitte le ciel pour descendre sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, la parole de Dieu s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Porte la chair, c'est pourquoi? Il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres. La lumière lui dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point reçu. Les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean. Envoyé à qui? Dieu. Ok. C'est pas le même Dieu qui parlait. Tout à fait. Dans tout à l'heure. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. À partir du premier verset. Premier verset. Mmh. Vous allez faire quoi, Dieu? Il est incontournable. Mmh. Monte, tu descends avec tes mensonges du python, du serpent. Tu vas toujours le rencontrer. Amen. Il va toujours te prendre. C'est pourquoi ceux qui nous écoutent. Et c'est le même Dieu qui continue. Hein, dans le livre de Malachie. Qui pourra donc soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des flons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de l'Égypte. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Il parle d'offrande, non? Oui. L'offrande aussi n'est pas biblique. Mais c'est ce qu'ils nous disent. Nous sommes là dans l'ancien testament. Oui. Continue. Qui opprime la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Alors, dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui opprime la veuve et l'orphelin. Est agréable à Dieu? Pas du tout. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Et... Mais c'est dans le cas de la dîme qu'il va changer, n'est-ce pas? Non, tu attends les mensonges de Satan? Continuez à lire, nous allons voir. Et vous, enfants de Jacob? Et vous, enfants de Jacob? Vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères. Depuis, pourquoi ils n'ont pas été consumés? Depuis le temps de vos pères. Parce que les gens commencent à lire ce verset. Oui. Mais ils n'ont pas compris ce qui a été dit. D'avance, un peu plus haut. Mm-hmm. Depuis le temps de vos pères, les autres ont été consumés. Mm-hmm. Mais vous, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observés. Vous les avez point. Ceux qui ont été consumés, depuis le temps de leur père, ils se sont écartés des ordonnances. Mm-hmm. Oui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est le même Dieu qui a parlé depuis le début. Hein? Tout à fait. Qui doit venir? Mm-hmm. Hein? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Avant, il a parlé des offrandes. Oui. Il ajoute maintenant, dans les dîmes et les offrandes. Mm-hmm. Il vient de dire qu'il ne change pas. Oui. C'est pas le même Dieu. Aujourd'hui, il change. Dans les dîmes et les offrandes. Mm-hmm. Vous voyez où le serpent a donc pris l'engagement de détruire l'économie du monde. C'est ce qu'il appelle le dévoreur. Mmh. Continuez à lire. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière, la nation camerounaise. Si on m'avait écouté, il y avait des faits de sacrifices. Depuis 2012. Des choses comme ça n'arriveraient pas au Cameroun. Faits de sacrifices. L'économie mondiale est à terre, pourquoi? Parce que chacun cherche son argent pour vivre, pour manger, construire ses maisons. Tu vois, tu entends que quelqu'un a acheté un tableau 40 millions de dollars. Un simple petit tableau de rien du tout. Il achète ça 40 millions de dollars. À côté de lui, les gens meurent de faim. Les veuves, les orphelins. Il n'a pas dit ça ici. Tout à fait. On organise des guerres dans le monde entier pour détruire l'humanité, pour voler. Les gens entrent dans les cercles mystiques pour devenir ceci, pour être nommé, parce que tel est là-bas, tel est là-bas, tel président est là-bas, tel. Tu vas rencontrer des personnalités. Mais aujourd'hui, avec coronavirus, toutes les personnalités sont à la maison. Et ils ne se saluent même pas. Ils ne se saluent même pas. Ils se saluent avec les pieds. Après, ils vont J'ai vu le mari de la reine d'Angleterre. Voilà, le fils de la reine d'Angleterre. Le frère, ah, c'est le fils. C'est le fils. Et il s'est trompé. Après, il s'est retiré, effectivement. Hey, c'est le monde qui va à la dérive. Oui. Dieu, mon Dieu, que je sers depuis 28 ans, vous vous êtes moqué de lui. Il va vous prendre. Il est en train de serrer les taux. C'est ce que j'ai appelé le grand bœuf. Oui. Le Cameroun ne va pas s'échapper. Toi, tu ne vas pas s'échapper. Tous les jours, je suis au marché Mokolo. Et au marché Mokolo là-bas, ceux qui vendent ont des pitons sous pour attirer les clients. Mmh. Ceux qui vendent. Et quand ils entendent ma voix dans les radios, ils disent ça, c'est un escroc. Vous allez comprendre. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est l'église. Là. Mais on s'en moque. On apporte ça où? Dans les banques. Pour les garder. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Le fait que s'appauvrit. Mmh. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mmh. Mais quand tu amènes dans la maison du trésor, toi-même, tu deviens le trésor de Dieu. Mmh. Oui? Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des cieux. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, c'est ce que tu dois faire. Le mettre à l'épreuve. À ces conseils qu'on a vus, quand tu viens au temple aujourd'hui, prépare ton sacrifice. Oui. Tu ne dois pas venir les mêmes vies. Mmh. On ne va pas. Ou bien qui sont malades, qui seront malades prochainement. Ils n'ont pas l'argent dans les comptes bancaires. Si, ils en ont. Ils n'ont pas l'argent dans les matelas. Si. Les voleurs au Cameroun, ils mettent des détourneurs de fonds, ils mettent l'argent où? Dans la fond. Fond. Parfois, ils creusent les bunkers. Mais tu vas mourir, tu laisses tout ça. Tu vas mourir, tu laisses tout. Dieu dit, si tu fais ça, continue à lire. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, oui. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Qui dévore alors? Le serpent. Coronavirus. On a dit l'économie du monde va souffrir. Mmh. C'est pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Après même le passage du coronavirus. Et on ne sait pas si toi tu vas suivre.